Bonjour à toutes et à tous pour ce nouvel épisode des Projets du Web, épisode numéro 11. Salut Lucas. Salut Will. Tu vas bien? Ça va et toi? En vacances, donc oui. Ah, t'as fini des partiels et tout, ouais, moi pas Ouais, ça encore. y est. J'ai C'est pour encore. ça là, l'épisode il va être un peu léger. Oui. Moi, j'ai encore 15 jours de rush très intensif, donc c'est vrai on va faire un épisode un peu plus léger que d'habitude. Mais pour nous rattraper, on a un débat très intéressant sur VP8 et WebM. Donc on enchaîne tout de suite avec le sommaire de l'émission. Donc je t'en prie, Lucas. Ouais, donc tout d'abord, je vais vous faire un petit retour sur Foursquare, là, parce que sur les 2 dernières semaines, je l'ai beaucoup plus utilisé. Après, on va vous parler de Click and Solve, c'est un site d'aide communautaire sur les problèmes liés au téléphone portable. On va vous parler aussi de Clout, qui donne plusieurs stats sur son compte Twitter. Et on va aussi vous parler de GiddyUp, un navigateur spécial enfant. Et après, le débat que Will vous a expliqué. Et donc Lucas, bah, ton petit retour sur Foursquare, ce que tu en as pensé un petit peu de des 2 dernières semaines d'utilisation avec plusieurs personnes? Voilà, donc ouais, donc sur ces 2 dernières semaines là, j'ai plusieurs amis qui se sont mis, j'ai réussi à les motiver enfin. Et donc on a vraiment utilisé à fond et franchement je trouve ça plutôt fun quoi, parce que tout simplement un peu partout on va, on regarde les endroits qui est à côté, on fait les petits check-in, on s'amuse, on fait une petite course à celui qui fait le plus de check-in, à celui qui fait le plus de points, donc avec tous les badges et tout, il y a une espèce de petite compétition, donc le côté jeu, il ressort vraiment quand on est à plusieurs, c'est super intéressant, enfin super intéressant. Moi ça m'a pas mal plu quoi. T'as pas mal accroché, ouais. Ouais. Par contre, je m'attendais sur des endroits un peu plus connus à avoir un peu plus de tips, des petits conseils sur les endroits et tout. Ça, j'en ai pas trop vu. Mais bon, c'est parce que je pense que c'est pas trop développé en France, pas trop dans la zone où je suis aussi. Je pense, ouais, c'est pas encore peut-être pas encore assez développé ici, pas assez connu. Je pense que c'est surtout les geeks entre guillemets ou tout ce qui va être sur Twitter, enfin en tout cas les personnes un peu au courant de ça qui Ouais, c'est puis pas le encore problème, c'est développé, je que pense. ceux qui essayent un peu tôt, qui accrochent pas trop, par exemple comme toi, après ils vont pas se relancer dedans, donc ça fait perdre aussi pas mal d'utilisateurs qui auraient pu être convaincus du truc en fait. Donc voilà pour mon retour sur Foursquare, ça allait vite. Si vous avez des questions en plus, n'hésitez pas. Hein. Oui, dans les commentaires de l'émission, si vous voulez réagir un petit peu sur Foursquare, si par exemple vous avez vraiment un avis complètement différent ou si vous êtes complètement d'accord avec moi, j'espère qu'il y aura au moins une ou deux personnes qui seront d'accord avec moi, n'hésitez surtout pas. Et donc après ce retour, on va commencer directement sur le premier projet clickandsolve.fr. Donc, clickandsolve.fr, c'est un site communautaire d'entraide autour des téléphones portables proposé par The Phone House. Donc, quand on arrive en gros sur la page d'accueil, il nous propose plusieurs questions qui ont été posées par des utilisateurs et on peut au choix soit y répondre, soit poser aussi des questions en créant un compte. Et donc, il y a aussi un système de points. Donc, quand on répond à une question, on gagne 5 points. Quand on pose une question, on gagne un point. Donc, après, il y a un classement. D'ailleurs, je suis dans le top 10. Enfin, bref. C'est pas ce qui est le plus intéressant, mais n'importe qui peut venir poser sa question, n'importe qui peut y répondre. Il y a une équipe de modérateurs qui est là aussi pour enlever un peu les réponses qui servent à rien et surtout pour certifier certaines réponses. Il faut savoir que l'équipe de modérateurs fait partie de gens travaillant chez The Phone House, donc ils connaissent quand même le métier, qui sont capables de dire quand on donne une réponse, dire oui, cette réponse elle est bonne, ceux qui auraient le même problème peuvent se servir de cette réponse. Et aussi, l'utilisateur peut dire cette question m'a permis de résoudre mon problème et donc on engrange encore plus de points. Donc, ouais, pour le côté communautaire, j'ai trouvé ça plutôt bien. C'est plutôt réactif. Donc, moi, personnellement, au début, j'avais pas de questions à poser, puis j'ai fini par trouver une question. J'ai eu 2 réponses dans la journée qui ne m'ont pas permis de résoudre mon problème, malheureusement. Mais il est un peu plus complexe, je pense, ça vient de ma carte SIM. Enfin, bref. D'accord. Mais après j'ai répondu à plusieurs questions. Les gens reviennent pas souvent en fait, j'ai l'impression. Par contre, il y en a certains à qui j'ai répondu en leur demandant aussi des renseignements supplémentaires pour plus voir c'est quoi leur problème, d'où vient leur problème, et ils viennent rarement re-répondre ou quoi. Ça c'est dommage quoi, il y en a ils viennent, ils font pas trop attention à ce qui se passe. D'accord. Et après aussi un autre truc j'ai trouvé plutôt bête. En fait, à cause de cette histoire de points, il y a quelques utilisateurs qui sont plutôt bons, qui vont poser une question, mais dont ils ont la réponse. Donc comme ça, ils posent la question et ils font la réponse tout de suite après pour gagner un maximum de points. D'accord, oui, ils essayent dans de... Ouais, mais dans le fond, c'est bien de proposer des solutions avant que les questions se posent pour que ceux qui arrivent puissent trouver plus facilement. Mais je veux dire, pour ça, quand c'est un utilisateur qui veut donner la réponse à sa question, il y a un coin qui s'appelle astuce qui est là exprès pour ça. Et je trouve ça dommage qu'il y en ait qui soient là pour donner leur question et répondre. Qui veulent abuser un peu du système, quoi. Ouais, ils abusent un peu du système de points. Je trouve ça dommage, mais bon, dans le fond, ça aide aussi quand même. D'accord. Mais enfin, c'est vrai que c'est pas très gênant si une personne a beaucoup de points. Enfin, c'est juste bon, c'est son ego Ouais, qui est voilà. flatté. Mais je veux dire, tant que les problèmes sont résolus, pourquoi pas. Autre point positif aussi, c'est la réactivité de l'équipe, notamment l'équipe Twitter. Donc, je leur avais posé une question via Twitter par rapport à une erreur 500 quand j'essayais d'accéder à leur site. Tout de suite, ils m'ont répondu, ils ont pris le temps d'essayer de résoudre le problème. Donc, ça s'est étalonné sur plusieurs messages, donc ils n'ont pas perdu leur temps et tout. Et même quelques jours après, alors que je leur avais pu signaler le problème et tout, ils sont quand même revenus me voir, savoir si le problème s'était à nouveau déclenché et tout. Donc, je vois que malgré que j'ai l'impression au début, je me disais, c'est un truc fait par The Phone House, c'est peut-être juste publicitaire et tout. Il y a quand même un vrai engagement derrière et une vraie envie de faire évoluer leur site. Et c'est franchement bien, quoi. Le site, il est beau. Il y a des options qui sont encore à faire, qui sont prévues. Puis, il est fonctionnel. Et j'ai pas vu trop de doublons dans les questions quand même. Parce que avant de poser une question, il y a tout un formulaire pour poser les questions. Et la première étape du formulaire, c'est de taper sa question. Il va nous faire une recherche automatiquement avec la question qu'on tape pour voir s'il n'y a pas déjà un truc qui a été posé. D'accord, ça c'est extrêmement bien comme fonction. Ouais, j'avoue. Parce que sur les forums, souvent il y a énormément de doublons. Et là, en fait, c'est pour éviter un maximum les doublons. Parce que le mec va poser cette question, il va être obligé de dérouler le truc et puis dire en bas, bon, il n'y a aucun qui répond à ma question. Parce que moi je vois par exemple, ça peut souvent être mal pris par exemple, oh, t'as pas essayé la fonction recherche, etc. Mais il suffit tout bêtement qu'on n'a pas cherché les bons termes à sa question Puis bah on n'a pas trouvé, on se dit bah tiens il n'y a pas de réponse et quand on pose la question bah on se fait engueuler entre guillemets sur le forum. Donc là j'avoue que c'est pas mal de proposer ça directement comme option. Moi ce que je trouve super intéressant au niveau de ce projet c'est que ça va centraliser un peu toute la téléphonie parce que souvent on allait sur un forum de fans entre guillemets par exemple d'iPhone ou ce genre de choses ou sur les constructeurs. Donc à chaque fois on se dispersait un petit peu partout. Donc là ça permet d'avoir finalement à concentrer et l'avantage aussi c'est que The Phone House c'est aussi une boutique donc a priori si on achète son téléphone là-bas bah, du coup on peut avoir un service assez rapidement directement avec eux par exemple via ce forum finalement et vu que tu as mis en avant le fait qu'ils sont très réactifs bah, je pense que ça vaut facilement d'attendre une hotline pendant 15 minutes si on devait téléphoner au constructeur par exemple. Ouais. Ah ouais, mais ouais, je suis complètement d'accord. Voilà, pour ma part, c'est tout sur Click and Solve. Si vous avez d'autres questions, surtout n'hésitez pas à aller sur le site ou à poser des questions via Twitter ou via le blog, hein, c'est fait pour ça. Et donc voilà, maintenant, Will, tu vas nous parler de Clout. Oui, tout à fait. Donc c'est un petit site internet qui permet d'avoir toutes les statistiques en fait sur son compte Twitter. Donc là, par exemple, j'ai pris les statistiques d'une personne assez connue, Captain Web. Et donc on peut remarquer sur la première partie, on va avoir des sortes de badges finalement, un petit peu comme Foursquare si on y réfléchit, avec le nombre de fois qu'on a été retweet, des listes, etc. Les personnes par qui on est influencé, donc et l'inverse aussi, qu'on influence les sujets les plus... Sujet le plus souvent abordé. Voilà, les plus souvent abordés, les plus récurrents. Et toute une panoplie finalement de statistiques comme ça. Donc par exemple, le nombre de personnes qui nous follow et nous on les follow en retour. Donc pour savoir un petit peu est-ce qu'il y a un vrai échange ou si c'est que des followers qu'on a finalement, que des bots ou ce genre de choses. Donc voilà, donc il y a plein de petites statistiques comme ça. Et donc j'ai trouvé ça assez sympa pour voir un petit peu où est-ce qu'on en est sur son compte. Qui nous follow un petit peu, qui nous retweet, savoir un peu qui nous influence finalement, parce que ça c'est assez intéressant. Donc je sais pas ce que t'en penses un petit peu, Lucas. Ouais, moi j'ai bien aimé aussi. C'est ouais, c'est un bon outil pour savoir un peu tout ce que notre compte Twitter dit. Finalement, ça dit beaucoup de trucs, quoi. Je pensais pas qu'avec juste un compte Twitter, on pouvait sortir autant de trucs. Par contre, le truc qui me gêne un petit peu, c'est qu'on peut avoir accès aux analyses de n'importe qui, en fait. N'importe qui sur Twitter, on peut avoir accès à ces analyses. Par exemple, toi, tu n'étais pas, t'es pas inscrit sur le site. Là, je me suis inscrit, j'ai cherché Camfis et j'ai eu direct toutes tes stats. Je sais pas s'il y a une limitation, mais c'est vrai que j'ai vu, enfin, j'ai vu quelques stats effectivement, ouais. Mais du coup, je sais pas comment ça se passe. Est-ce qu'il va regarder par exemple les tweets des autres qui vont me parler de moi, ou est-ce que c'est les vieux tweets finalement que j'avais à l'époque, parce que j'ai mon profil était libre pendant quelques temps. Donc je sais pas du coup comment il fait pour regarder le profil privé, quoi. Parce que théoriquement, il peut pas. Mais apparemment aussi il se sert de différentes applications pour savoir ça, parce que sur la page d'accueil c'est indiqué 300 plus partenaires utilizing cloud data. Donc je pense qu'il y a un peu de ça, mais par contre j'ai remarqué en essayant d'accéder à un compte qui était que je connais privé, que je ne suis pas, qu'il me mettait tout le temps une erreur. Il me disait pas ce compte n'existe pas ou quoi, il me disait juste ah mince, il y a une erreur dans la recherche. Donc je sais pas en fait s'il filtre vraiment ou si comme toi au départ, vu qu'au départ tu n'étais pas en mode privé, on peut avoir accès à tes stats avant que tu sois privé. Je pense que c'est ça parce que j'ai pas beaucoup de stats et ça correspond pas du tout à ce que j'ai actuellement. Donc je pense que c'est pour ça. Je pense qu'il doit avoir les anciennes stats qui étaient encore publiques. Donc j'enchaîne tout de suite sur le deuxième sujet. Donc qui dit Up? Et donc c'est un web browser, donc un navigateur internet conçu pour les enfants. Particularité de celui-là d'être pour macOS. Uniquement macOS, Uniquement malheureusement. macOS. J'ai vu une alternative sous forme de plugin Firefox qui transformait un peu le Firefox, mais j'ai pas réussi à remettre la main dessus, donc je suis désolé. Si je le retrouve, je le mettrai dans les commentaires de l'émission, bien évidemment. Et donc ce nouveau navigateur, donc il a une interface donc un peu plus épurée, un peu plus simple, avec des boutons un peu plus gros, tout simplement pour les enfants. Il installe par défaut des sites qui peuvent justement les concerner. Et il va y avoir tout ce qui va être pas, contrôle parental, mais un petit peu plus évolué, quoi. C'est-à-dire que c'est un petit peu une liste blanche, donc c'est-à-dire qu'il ne peut pas aller partout. Et ça, je pense que c'est important pour les enfants qui vont sur Internet de pas d'avoir des limites, quoi, qu'ils peuvent pas se balader sur. S'ils se retrouvent sur Chatroulette, ça va pas le faire, quoi. Et puis apparemment aussi on peut filtrer vraiment tout ce qu'il utilise. Par exemple, on peut lui interdire d'utiliser des adresses e-mail, on peut lui Oui. interdire de faire des recherches via n'importe quel moteur de recherche. On peut lui mettre, voilà, exactement juste une liste de sites. Et un autre truc bien quand même, c'est que bon, malgré que le navigateur est hyper personnalisable, on peut lui mettre sur la page d'accueil des gros boutons pour les sites, par exemple des sites comme Yahoo Kids ou autres. Mais c'est basé sur un vrai navigateur web. C'est le même moteur HTML que Safari. Donc ça veut dire que même sur les sites pour enfants, il n'est pas non plus limité, quoi. Il a le site vraiment complet. Par contre, une petite chose à noter, c'est que ce n'est pas quelque chose de gratuit. Il y a une Oui, version ouais. d'essai, ou sinon, on passe directement sur les versions payantes. Elle est disponible en français et en anglais. Donc je trouve le prix un petit peu cher. 29 euros. Donc là, voilà, 29 euros. Il y a sinon une version d'essai pendant 90 jours. Et je vais vraiment essayer de vous retrouver le plugin Firefox qui faisait un petit peu l'équivalent, qui est évidemment gratuit. Pour avoir une alternative à ce genre de projet. Mais bon, encore ça, 29 euros pour assurer la sécurité, je trouve pas non plus que ce soit excessif. C'est vrai que pour le web, ça fait bizarre de payer quelque chose, mais bon, C'est vrai. une fois de temps en temps. Mais c'est vrai que peut-être que plutôt que de payer un filtre parental, c'est peut-être aussi efficace finalement d'avoir un navigateur qui est. Ouais. Je sais que je verrais bien ça sur l'ordinateur familial, quoi, pour mon petit frère. Par Ce serait pas exemple, plus voilà, mal. pour éviter qu'il fasse un peu n'importe quoi. Bon, ben, rien d'autre à ajouter sur GiddyUp pour ma part, toi. Non, c'est OK. Donc WebM, donc c'est un projet de Google qui a été présenté récemment pendant leur conférence, qui a pour but d'avoir des codecs, donc audio-vidéo libres, Mais dédié au web. et voilà, dédiés au web. Bon, je pense qu'on pourra l'étendre, mais dédiés au web. Donc ça va être pour tout ce qui va être YouTube, toutes les vidéos en streaming finalement. Parce qu'il y a eu cette grande guerre des codecs audio pour le HTML5 pour remplacer le Flash Player. Et donc WebM maintenant se met aussi en concurrence avec ceux présents actuellement. Donc le projet WebM comporte un codec vidéo, donc le VP8, qui va compresser la vidéo, un codec audio, donc le Ogg-Vorbis, donc lui va évidemment compresser l'audio, et donc le tout, ça va être encapsulé dans un format qui va être le Matrovska, donc un point MKV normalement, si je ne me trompe pas. Et donc tout ça en fait va concurrencer donc d'autres formats, donc d'autres codecs qui peuvent être par exemple H264, le plus connu avec Et la ligne. qui était le plus répandu, puisqu'il était C'est un sur des YouTube. plus répandus, oui. Donc ouais, sur YouTube, C'était typique. surtout celui qui était soutenu par Apple pour leur iPad, iPhone et leur navigateur Voilà. Safari. Typiquement, toutes les vidéos que vous pouvez regarder sur un iPhone en streaming, ça passe par du H264. Et on comprend pourquoi, parce que l'H264, c'est une propriété d'Apple. Donc c'est un peu normal qu'ils essayent de promouvoir leur technologie. Ce qu'il faut rajouter aussi, c'est que bon, je pense que vous le savez, mais bon, quand même, c'est bon de le rappeler. Le H264 est un format, enfin un codec propriétaire. Donc, ceux qui veulent l'utiliser sont obligés de payer une licence. C'est pour ça qu'il y avait un gros problème, parce que Apple pouvait payer la licence, Google pouvait payer la licence, Microsoft aussi. Donc, ça faisait trois navigateurs qui allaient avoir le H264. Et en face, il y avait juste Firefox et Opera qui soutenaient le Theora à l'époque. Et donc, en fait, là, avec ça, avec WebM, Google s'est mis un peu contre Apple, avec en soutien derrière Firefox et Opera. Ils se sont réunis les trois pour monter ensemble contre Apple, les filles, en fait. Ce qu'il faut savoir, c'est que même Internet Explorer supportera le VP8. Alors par contre, il y a une différence très légère, c'est qu'il ne va pas incorporer directement dans le navigateur. C'est si le codec est disponible sur la machine, donc quand on regarde des vidéos classiques, eh bien là, il pourra utiliser ce codec-là, en fait, s'il est présent sur la machine. Mais il ne sera pas incorporé dans le navigateur, mais du coup, il le supportera. Donc finalement, tous les navigateurs finalement vont le supporter, enfin tous les principaux évidemment, sauf Safari. De plus, Apple pratiquait quand même une politique un peu une politique de monopole, savoir essayer d'imposer un format, alors que Safari est loin d'être le navigateur le plus utilisé, donc ils ne pouvaient pas se permettre. Et là, ils se sont pris une grosse claque, à mon avis. Parce qu'ils pensaient quand même avoir, vu que YouTube était tout passé en H264, ça avoir une longueur d'avance, vu que c'est le plus gros site de streaming. Finalement, ils viennent de perdre cette avance. Donc je pense que l'H264 vit ses derniers instants. Je pense qu'il va mettre un certain temps quand même à disparaître parce qu'il est plutôt bien implémenté et le parc iPhone grandit au fur et à mesure. Donc je pense qu'il y aura quand même toujours une base pardon, H264. Mais au fur et à mesure, je pense que ça va évoluer. Et pourquoi? Parce que si on regarde aux caractéristiques de WebM, on voit tout de suite que c'est libre. Donc ça, c'est. Déjà, bon point. Alors moi, c'est vrai que je suis un peu défenseur du libre. Donc moi, ça me parle tout de suite, mais donc c'est libre. En quoi c'est Non, mais intéressant? même pour. C'est qu'on paye rien pour l'utiliser. C'est surtout Même ça. parce que Firefox était complètement contre l'idée de devoir. Enfin, la Fondation Mozilla était contre l'idée de devoir payer pour pouvoir permettre à ses utilisateurs de voir des vidéos sur Voilà. Internet. Pour pouvoir lire des vidéos avec des choses propriétaires, c'est pas logique pour des choses comme Firefox ou Opera Ouais, qui sont pour eux, vraiment c'était open stupide source. d'essayer de se passer de Flash qui est propriétaire pour aller sur autre chose de propriétaire. Voilà, Si quitter du c'était pas propriétaire pour du viable. propriétaire, c'est inutile. Donc le grand argument à l'époque, c'était que Octeora n'avait pas la qualité suffisante. Mais là, avec le VP8, on a quelque chose d'équivalent. Donc là, maintenant, on a vraiment une vraie concurrence possible. Et il y a vraiment un soutien, en fait. Là, ce qui est important de voir, c'est qu'il y a un soutien donc, de toute la communauté libre et un soutien également poussé, évidemment, par Google sur tout l'aspect des navigateurs Et même et Adobe est des derrière eux, apparemment. Adobe, je pense qu'ils jouent un jeu un petit peu particulier parce que bon, ils ont Mais pas envie de se fâcher contre Google. je pense que là, ils essayent un peu de faire de dire amen à tout ce que Google leur propose, mais bon, et mine de rien, s'ils sont un petit peu derrière, c'est déjà ça en plus, quoi, encore. Mais c'est vrai que Adobe soutient le VP8 puisque en fait, faut savoir que quand on lit une vidéo en flash par exemple sur YouTube, la vidéo est normalement réencodée en H264. C'est pour ça que derrière on peut le regarder sans le flash player sur l'iPhone. Et là, c'est ce qui va se passer, c'est que maintenant, normalement dès aujourd'hui c'est disponible. C'est pas encore implémenté dans Firefox donc j'ai pas pu essayer. Mais on pourra lire directement VP8. Donc dès que les nouveaux navigateurs vont se mettre à jour. on pourra directement lire en VP8 sur YouTube. C'est quelque chose de réel, de concret, qui... C'est pas un projet pour dans 10 ans, c'est quelque chose qui est maintenant. Et donc, bah, au fur et à mesure, voilà, le H264, je pense, va perdre un peu de sa valeur, puisque pourquoi finalement payer une licence d'utilisation, enfin, du moins c'est aux États-Unis, des royalties pour pouvoir l'utiliser, s'il y a une technologie libre, poussée par Google et puis des Équivalente. grands géants, et puis bah, qui, voilà, qui ne coûte rien. Du coup, on a parlé un petit peu de la déconcurrence et finalement, on a aussi abordé les alternatives et et un petit peu le soutien qu'ils ont avec ce WebM, parce qu'il y a vraiment, finalement, il y a un grand élan de solidarité envers Google. Et Google, Ben, en fait, si... avec tous les, je pense que la part de tous les navigateurs qui le soutiennent, ça fait un peu une part majoritaire, quoi. À peu près, plus ou moins. Oui, parce que finalement, il n'y a plus que Safari maintenant qui ne s'est pas encore prononcé officiellement. Peut-être qu'ils supporteront VP8, mais pour Non, je l'instant, pense que là, c'est la guerre ouverte Apple-Google, personnellement. je pense que ça a été un des grands coups de Google envers Apple. Là, ça a été vraiment de couper, enfin, couper entre guillemets le H264 avec le WebM, en plus d'Android, puisque évidemment, Android, ça va être une plateforme de choix, elle va supporter WebM complètement. Et donc là, je pense que c'est un gros coup pour Apple. Donc je vous ai dit tout à l'heure, donc quand est-ce qu'il sera disponible? Donc il est disponible actuellement, il y a déjà un SDK si on va sur webmproject.org qui est disponible. Par contre, au détail près que les navigateurs, donc comme je vous l'ai dit, sont pas encore disponibles, mais sur le site on peut voir qu'il y a déjà des soutiens de la part donc de Mozilla, Opera, Adobe et évidemment Google. Et je vous avais aussi donné une petite astuce pour YouTube dans l'épisode 7 quand j'étais tout seul, vous pouvez activer le HTML5 sur YouTube. Maintenant la fonction HTML5 va basculer sur ce nouveau format de WebM. Et donc, avec les nouvelles versions des navigateurs qui sortiront, bah, on pourra se passer finalement de Flash Player sur du tout du moins YouTube. Et je pense qu'il va se développer très très vite. Tu vois quel avenir, toi, pour toi, pour WebM et poussé par Google et beaucoup de Mais personnes, déjà dont le livre? le fait qu'il soit poussé par Google, mais moi ce que je disais il y a quelques temps, je me disais que si Google, quand il y a eu les rumeurs que Google avait acheté le VP8, il y avait les rumeurs qu'il le libérerait, je me suis dit que je pensais totalement que Firefox et Opera avaient intérêt à se mettre avec eux, parce que tout seul ils allaient pas s'en sortir. Et donc là le fait qu'il y ait Google, Opera et Firefox qui soient qui supportent le même format, je pense qu'ils vont réussir à l'imposer. Personnellement, je pense carrément qu'ils vont réussir à l'imposer face au H264. Ça fait aucun doute pour moi. Après, en dehors des ordinateurs portables et des sites internet, je ne sais pas vraiment ce qui va devenir par contre. Parce que moi j'avais peur d'une chose concernant le VP8 s'il était libéré, c'est que donc Google libère le VP8 et puis bah voilà, c'est tout. La communauté après s'en charge. Et on a bien vu qu'avec Octeora, du coup, c'était assez compliqué, puisque bah une communauté face à une entreprise, l'entreprise va faire des partenariats, elle va s'occuper, et hop, même si son truc est Puis payant, elle va mettre de finalement. l'argent Voilà. Et sur même tout si ça. son projet est entre guillemets payant, enfin des royalties, donc ça va se. Pour les États-Unis, ils vont devoir payer, et là, bah, du coup, ça va s'étendre. Donc, en plus, le Octeora avait un problème, c'est-à-dire qu'il était théoriquement de qualité un peu moins bonne. Et là, en fait, ce que je trouve qui a été très intéressant, c'est qu'ils ont non seulement ils l'ont libéré, mais en fait, ils sont entre guillemets occupés. C'est-à-dire que c'est eux qui font le projet. Alors, il est open source, hein, donc on peut ne pas aimer Google et détester un petit peu la façon dont ils procèdent pour les données, etc. Le fait est que c'est un réel projet open source, on pourra consulter les sources, on pourra les modifier. Donc à partir de ce moment-là, moi ça me pose aucun problème. Et effectivement, même les plus hardcore, on va dire ça comme ça, du libre, qui sont la Free Software Foundation, même eux sont derrière ce projet-là et le soutiennent. Et donc je pense que tu seras assez d'accord avec moi sur... Au moins, la façon dont procède Google est très intelligente comparée à Apple. Je dis pas qu'Apple est bête, c'est pas ça du tout, mais ils ont une politique complètement différente. Et Bah Apple, Apple a une technique un peu style monopole, quoi, comme s'ils avaient un voilà, monopole alors qu'ils sont loin de l'avoir. ils font les choses dans leur coin, tandis que Google, ils sont un peu plus malins ou vicieux. Ça va dépendre un petit peu comment on voit les choses. C'est-à-dire qu'ils vont créer des projets. La plupart du temps, plus de la moitié, en tout cas, c'est de l'open source, moitié voire trois quarts, parce qu'il y a quand même énormément de choses qu'ils font qui sont open source. Donc le code accessible à tout le monde. Et surtout, ils vont partager ça avec plein de fabricants de matériel, de logiciels, etc. Et donc en fait, ils font j'allais dire un alliage, mais Un mélange. une alliance. Ils font une alliance finalement. Tandis qu'Apple travaille un petit peu dans son coin. Et on l'a bien vu pour la dernière conférence où ils ont présenté leur web TV, disons, leur box finalement, Google. Ils ont vraiment cherché des partenariats avec vraiment tout le monde, aussi bien Sony que les grands magasins de distribution. Il y a Logitech. Et on a bien très bien senti quand on a vu, j'avais regardé en live sur YouTube la conférence, on a très bien senti qu'ils étaient tous très contents d'être avec Google pour justement pour empêcher Apple. Il y a vraiment même les par exemple Sony déteste Apple. J'étais impressionné de voir qu'ils s'aimaient vraiment pas. Je savais qu'ils n'étaient pas copains, mais et il y avait vraiment une douzaine de CEO, de patrons qui étaient vraiment Mais en fait, maintenant, le vrai problème d'Apple, bon, ça va nous faire un peu dériver, mais c'est que ils ont des trucs. Et en fait, comme ils ont gagné sur certains domaines une certaine majorité, mais pas un monopole, juste une majorité, ils essayent d'imposer leur truc tel un monopole. Donc en fait, ils sont en train de perdre beaucoup de points dans leur capital sympathie, si on peut dire. Donc ça devient un peu l'ennemi à abattre en ce moment, alors que c'était même pas un ennemi, un vrai ennemi, quoi, encore. Et donc pour WebM, moi personnellement, je vois un très bon avenir. Alors je sais pas Pareil. comment le Flash Player va se. Bah, je pense que le Flash Player il va se diversifier parce que le Flash Player c'était pas que les vidéos, il y avait beaucoup d'autres choses. Donc je pense qu'il y a certains trucs qui vont rester, puis mais petit à petit ils vont devoir changer. Mais Enfin, je sais pas si tu vois où je veux en soyons venir. honnêtes, moi le Flash Player, je l'utilise à 100% et j'ai pas peur de dire 100% pour regarder de la vidéo ou écouter de l'audio. Rien Ouais. d'autre. Je vais pas faire des jeux en Flash complètement débiles. Oh, une fois de temps en temps, moi aussi. Non, mais ça, je trouve que c'est vraiment quand tu t'ennuies au boulot. Donc c'est vraiment des trucs inutiles. Et sinon, c'est des pubs et des animations qui sont généralement assez pénibles, qui te prennent ton écran, etc. Qui te consomment pas mal de bande passante. Moi, c'est vraiment l'audio et la vidéo que quand j'avais pas Flash Player qui m'a embêté finalement. Et donc, si on a une alternative, donc du HTML5 avec WebM, donc là, HTML5 et WebM, c'est pas compliqué, l'addition des deux, ça veut dire que tous les navigateurs sur tous les systèmes d'exploitation pourront le lire. Voilà. Ouais, vu que ce sera directement intégré au code HTML, Voilà, c'est ça. 5, et ça Et dépendra tout est pas. open source, donc au pire des cas, s'il n'existe pas sur un OS un petit peu particulier, un petit peu exotique, bah, il y aura bien quelqu'un d'exotique lui-même pour pouvoir porter un navigateur, je sais pas, Firefox, et puis ce Ouais, côté. donc petit à petit, ouais, le Flash est voué à mourir, mais quand même, on voit que Adobe est prêt à ça parce qu'ils ont quand même présenté leur éditeur d'HTML5 justement pendant la conférence de Google. Donc ils sont prêts. Je pense que Adobe est conscient de ça, que le HTML5, pour l'instant, n'est pas à la hauteur, mais à terme. À terme, il le saura et on a bien vu que le Flash Player est sorti sur le Nexus One pour le Froyo 2.2, donc Android, la nouvelle version Android. Ouais, Flash Mais 10.3. on a bien compris aussi que l'autonomie en prenait un sacré coup. C'est-à-dire que. Bah apparemment pas tant que ça. Enfin, les Oh, premiers que si. tests ils montraient, mais les derniers tests, je sais pas, j'ai pas vu de test récent J'ai vu là-dessus. un test en fait qui comparait par exemple l'iPhone avec un Nexus One et un autre téléphone, je ne me rappelle plus du nom. Si on avait le flash d'activer, le Nexus One était le plus lent. Si on désactivait le flash, c'était le plus rapide, tout simplement. Ah oui, ça j'ai vu, oui. Et pour Et pour l'autonomie, des... Ouais. le Flash Player permet 3 heures de vidéo sur un Nexus One. C'est déjà pas mal, C'est pas mal, mais on sent tout de suite qu'il y a une limitation. C'est pas prévu pour des mobiles. Donc. hein. Ouais, c'est sûr, c'est pas prévu, mais bon, franchement, 3 heures pour de la vidéo sur un téléphone, ça va, quoi. Ouais, certes. C'est pour ça, moi je vois vraiment ce projet de WebM comme un remplacement finalement de Flash Player pour ce genre d'appareil. Ouais. Alors après, je pense que ça va être les possesseurs d'iPhone et d'iPad qui vont être un petit peu coincés si le Flash Player c'est hors de question apparemment, et si aussi le H264 ne se répand plus, pour eux ça va être de plus en plus compliqué finalement d'avoir une expérience web. Bon mais je pense qu'on a fait un bon tour sur WebM, on a essayé de pas trop se disperser. C'était dur, mais on a C'est essayé. pas évident parce que c'est vrai que ça touche pas mal de sujets, on a envie de déborder encore plus. Donc voilà, donc on va conclure cet épisode. Donc je vous remercie de nous avoir écoutés. Encore merci beaucoup au feedback qu'on reçoit un petit peu de temps en temps. Et n'hésitez pas à aller sur iTunes aussi les mettre. Et donc vous pouvez nous joindre sur Twitter. Donc moi c'est KHAMPHIS sur Twitter. Lucas. Moi, c'est Lucus, Lucku Sesse. Et aussi, il y a le blog qui est là pour ça, donc surtout n'hésitez pas à venir sur le blog, on passe donc tous les liens de l'émission. Et n'hésitez surtout pas à laisser un commentaire, c'est agréable, puis j'aime bien y répondre, puis ça permet d'avoir une petite discussion avec vous aussi, savoir qui nous écoute, ça peut être sympa. Et n'hésitez pas si vous avez aussi des idées de sujets ou si vous avez trouvé des petits trucs sympas et que vous aimeriez tout simplement qu'on aborde, qu'on teste un petit peu. Il n'y a pas de problème, vous pouvez aller sur nous contacter et proposer Ouais. votre sujet. Moi, si vous avez des trucs un peu chelous, vous n'êtes pas trop sûr, moi je veux bien prendre le risque. J'ai peur de rien. Bon, Chez oui, moi. il a un peu de mal à vous quitter, je vais le faire pour lui. Au Vas-y, revoir vas-y. et au prochain épisode. Salut Lucas, salut tout le monde. Ciao, Will.